les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le torchon brûle. Si l'on associe aujourd'hui cette expression à l'univers domestique, elle remonte en réalité au XIIe siècle, époque à laquelle le mot torchon désignait non pas un morceau de tissu servant à essuyer la vaisselle, mais un coup violent. En 1971, c'est bien en référence aux tâches ménagères que plusieurs militantes du mouvement de libération des femmes choisissaient avec piquant ce titre pour le journal qu'elles fondaient. Un journal menstruel et non mensuel, car sa publication était aussi irrégulière que les cycles féminins. Il y eut en tout 6 numéros, parus entre 1971 et 1973, qui, dans le fond comme sur la forme, incarnèrent l'esprit du mouvement. On y trouvait des récits personnels, des manifestes de certains groupes, des analyses politiques, des poèmes, des dessins. Les visions de la lutte, diverses et parfois divergentes, s'y confrontaient dans une tonalité sérieuse mais aussi très drôle, comme son titre le laissait déjà entendre. En 2007, pour Surpris par la nuit, Anne-Sophie Vergne avait eu la belle idée d'interroger 4 militantes du MLF ayant participé à sa rédaction. Nadia Ringard, Marie-Jo Bonnet, Catherine Dedon et Liliane Candel racontaient leurs souvenirs d'un mouvement résolument et joyeusement pluriel. Première diffusion sur France Culture, le 30 janvier 2007. Ici, c'est principalement ici, parce que vous connaissez le problème, vous vivez, vous le subissez. On n'essaie pas de faire quelque chose pour faire pression, et bien la situation ne changera pas. Surpris par la nuit. Le torchon brûle. 4 récits du mouvement de libération des femmes. Pratiquer des avortements malgré la loi. No simple reform. It really is a revolution. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est l'histoire de chacune. Mais au mieux, vous allez en prendre combien des femmes du mouvement qui vont vous raconter ça? Une dizaine? La démarche, s'il s'agit d'un groupe politique de l'époque, peut avoir son sens. Moi, je pense que par rapport au mouvement des femmes, c'est un feu d'artifice, ce mouvement. Il vous en faudrait 150 des histoires comme ça, non? Je ne sais pas comment faire pour introduire dans votre micro un arc-en-ciel et un feu d'artifice en même temps. Et pourtant, c'est ça qu'il faudrait faire. Il est très difficile de faire rentrer le mouvement de libération des femmes dans quelque cadre que ce soit. Et c'est tout petit une émission de radio. 20 femmes n'y tiendraient pas, même pas 10. Donc, ce ne sont que 4 femmes que nous allons entendre ici, parmi tant d'autres possibles. 4 femmes qui ont participé de très près, ou d'un tout petit peu plus loin, à la rédaction et à la fabrication de ce qui fut, de 1971 à 1973, le journal du mouvement, baptisé avec humour « Le torchon brûle ». Le torchon brûle reflète assez fidèlement les actions, les débats, les révoltes et les paroles de ces femmes qui ont révolutionné la société française, mais dont les noms figurent peu ou pas du tout dans les manuels d'histoire. C'est donc un peu de cette histoire que voici, une histoire qu'il est urgent de se réapproprier, lavée de la mauvaise mythologie qui l'accompagne ordinairement. Écoutons donc des récits du mouvement de libération des femmes, par 4 femmes qui l'ont vécu, Nadia Ringard, Marie-Jo Bonnet, Catherine Dedon et Liliane Candel. J'ai eu 20 ans en 68, donc on est dans l'histoire de cette génération. Je venais d'une famille où les femmes étaient respectées. Je venais d'une famille où mon papa faisait les travaux ménagers, donc d'une famille assez atypique. Et finalement, le vrai choc, ça a été justement les mouvements gauchistes. Nadia Ringard. J'ai pratiquement découvert la soumission des femmes, l'infériorisation, le fait qu'on était là pour renoter les tracts ou les distribuer. Pour moi, le choc du sexisme ordinaire, c'est beaucoup plus les mouvements de gauche que ma famille. Ce qui semble paradoxal, mais ce qui est intéressant, puisque les garçons de ces groupes-là disaient la grande idée, c'était, bon, d'accord, les femmes sont opprimées, mais elles sont opprimées par les bourgeois. Nous, on ne vous opprime pas. Ce qui est un non-sens absolu, puisque dans les classes populaires, il a fallu qu'on leur explique longuement, ça a pris du temps, mais ils ont compris qu'il y avait toute cette hiérarchie qui faisait aussi que quand les gens étaient malheureux, ils se vengeaient sur plus faibles, et que la classe ouvrière n'était pas exempte de tout reproche sur ce plan-là. Mais que des garçons viennent nous dire « Vous êtes opprimés par la société, puisque c'était elle qu'on dénonçait toute la journée, mais pas par nous », pour moi, c'était inaudible, puisque je découvrais presque l'oppression des femmes là. Ce qu'on a vécu en mai 68, les filles étaient quand même mises de côté. Moi, j'ai participé pleinement à la grève, mais on comptait pour du beurre, franchement. Comment ça se passait justement dans ces assemblées révolutionnaires ? Bah, c'était les garçons toujours qui avaient la parole. Marie-Jo Bonnet. Et nous, les filles... mais moi, je n'acceptais pas du tout ça. Donc, ce qui explique que plusieurs femmes comme moi, on s'est retrouvées au MLF très facilement, 2 ans après. Parce qu'on avait eu cette expérience de mise à l'écart, inexplicable, puisqu'on était quand même dans des écoles mixtes. Et normalement, c'était l'égalité. Or, dans la pratique, ça ne l'était pas du tout. Et donc, évidemment, la révolte, ça a chauffé. Boing. Catherine Dedon. Je vivais dans une chambre de bonne à l'époque. Et puis un jour, j'ai entendu bing, bang, bang. C'était mai 68 qui débarquait. Et je me suis précipitée pour voir ce que c'était. Mais comme j'étais quelqu'un d'averti contre le stalinisme, ces petits révolutionnaires, ils me faisaient un peu peur parce que je voyais qu'ils faisaient des procès à des gens. J'étais allée au théâtre de l'Odéon, donc j'ai vu qu'ils faisaient des procès à Jean-Louis Barrault, des choses comme ça. Ça me faisait un peu grimacer quand même. Donc j'étais dans mes 68, mais un peu en touriste, sur les bords, etc. J'achetais l'Idiot International, et puis un jour, les féministes sont apparues. Je les ai trouvées très drôles, et puis j'ai vu dans un coin qu'elles disaient qu'il fallait qu'on les rejoigne pour faire du théâtre, l'agit-propre, je crois, un truc comme ça. Et puis moi, toujours très prudente, je les ai appelées. Mais je me suis présentée comme photographe et à ce moment-là, j'ai entendu au bout du fil quelqu'un me dire sur un ton assez scout quoi. Ce n'est pas en tant que photographe que tu nous intéresses, c'est en tant que femme. Alors j'ai fait un peu gloupe comme ça et parce que le ton était un peu girl scout quoi. Et j'y suis allée quand même, bon parce que évidemment j'ai tout me porter vers ça quoi. Liliane Candel. On était quand même assez héritière du mouvement du 22 mars et de sa stratégie des actions spectaculaires. Une action spectaculaire, c'est quelque chose qui fait énormément de bruit, qui est, qu'ils le veuillent ou non, et souvent leur corps défendant, repris par les médias, mais qui, malgré et à travers le filtre des médias, arrive à toucher les gens mais par-dessus la tête des intermédiaires, directement et plutôt à l'estomac et dans les tripes que dans les analyses et les théories. Et le MLF a été formidable pour ça. Vraiment, ça a été une des forces du mouvement. Donc, 25 août 70, solidarité avec les femmes américaines, parce qu'il y avait tout un morceau du mouvement très influencé par le mode de fonctionnement des caucus américains. Et ça, on ne le dit pas assez non plus. Et une autre moitié du mouvement, en particulier les filles de ceux qui n'étaient pas encore le groupe psychanalysé politique, mais qui n'allaient pas tarder à le devenir, qui disaient, mais pas du tout, c'est pas comme ça qu'il faut faire, faut pas d'action spectaculaire, c'est bourgeois, il faut aller distribuer des tracts dans les, à la sortie des usines, etc. Donc, c'était une divergence de stratégie à ceci près qu'un certain nombre de gens, dont quelques-unes de mes très très bonnes amies, ont fait les deux. Elles sont allées distribuer des tracts le matin et porter une gerbe à la femme inconnue du soldat à l'Arc de Triomphe l'après-midi. Ou l'inverse, je crois que l'Arc de Triomphe, c'était le matin. Sortons de nos tanières où nous sommes parqués. Nous en avons assez vers la honte de la terre. Abattons le bourgeois et leur patriarcat. Moi, j'ai rencontré le MLF grâce à Henri Maspero, au libraire Henri Maspero, qui avait une librairie dans la petite rue là, qui donne sur le boulevard Saint-Michel. Et là, dans les sous-sols, il y avait tous les journaux d'extrême-gauche, et en particulier, je crois que c'est l'Idiot Liberté, ou l'Idiot International. Et à l'intérieur, parce qu'on lisait les bouquins, il y avait un monde fou dans cette librairie, c'était vachement bien, et donc on les lisait. Et qu'est-ce que je vois? Je vois Le Torchon Brûle. Alors là, et je commence à lire et j'ai été complètement... Libération des femmes, moi, c'est ces mots-là qui m'ont complètement bouleversée. Et ces mots-là qui m'ont fait venir au MLF. Ce que j'ai vu, ce qui était très intéressant dans le Torchon Brûle numéro 0, c'est... Les états généraux de elle, dont on avait entendu parler, sur et elle, entre parenthèses, était drôlement bien branchée. Hein. Et alors, elles avaient mis deux photos. Donc, les états généraux bien organisés, bien en ordre, avec tout le monde sagement assise, avec les messieurs qui prenaient les paroles, les spécialistes. Et puis, la photo d'à côté, c'est les filles qui étaient arrivées avec les tracts. Et tout était mélangé, tout le monde était monté sur l'estrade, etc. Il n'y avait plus... Bon, ben, c'est ça, le MLF. C'est ce que j'ai vécu, moi. Dans toutes les manifs. Et c'était donc le désordre. C'est-à-dire, les mots de désordre, comme on a dit en 74, c'est-à-dire on a cassé la structure, les structures. C'était un mouvement profondément anarchiste, dans le sens où il redonnait le pouvoir d'initiative aux femmes. Alors moi, j'étais un peu plus âgée que la moyenne des filles du mouvement. Et la rencontre avec le mouvement, ça a été un formidable éclat de rire. Ça, je m'en souviendrai longtemps. J'y vais avec une amie. On savait que depuis le printemps, il y avait des femmes qui se réunissaient entre elles, non mixtes, aux Beaux-Arts. On en entendait parler. J'y vais avec une amie un peu terrifiée. Donc, on assiste à une AG. Et je m'en souviendrai vraiment longtemps. Pendant toute la semaine qui a suivi, j'ai appelé mon ami en hurlant de rire en disant « Mais t'as vu ce bordel ? Tu imagines ce bordel innommable ? C'était extraordinaire. Il y avait des gens qui parlaient dans tous les coins. Il y en avait une qui montait sur une chaise en disant « Bon, ben écoutez, on a dit, c'était Christine d'ailleurs, on a dit qu'on allait parler de mon texte ce soir, mais c'est pas possible parce que le numéro est épuisé et puis la plupart d'entre vous n'ont pas encore lu Partisan. » Oui, disait une autre, mais moi j'ai des choses à dire sur l'ennemi principal parce que le marxisme quand même, c'est pas si simple que ça. Bon, à côté de ça, il y a des gens qui disaient on aurait besoin d'une voiture pour aller soutenir des femmes en grève, je sais plus où. Les gens disaient c'est le bordel, on peut pas continuer. Et les autres disaient mais bordel n'est pas mortel. Et bordel au MLF, non seulement c'était pas mortel, mais c'était un plaisir inouï. Je n'avais jamais vu une seule réunion politique, une seule AG de protestation contre ci, contre cela, se faire dans un tel bordel, mais en même temps avec une telle inventivité, une telle créativité, une telle dose de déploiement d'énergie. Et ce qui a été absolument extraordinaire, donc ça c'est début décembre, je crois, 70, et il se passe à peu près le même phénomène qu'en 68. Les gens disent en 68, tous les gens étaient beaux. Mais, et ça c'est vrai, regardez les photos, tout le monde était hyper vivant. Je me souviens d'avoir vu arriver des filles au mouvement, un peu distraites, comme ça, la tête dans les épaules, mal dans leur pompe, mal dans leur peau. Et prendre 3 cm en hauteur en 15 jours, changer d'allure, se mettre à sourire. Mais si vous voulez, une transformation physique absolument inouïe. Il y a eu une espèce d'efficacité symbolique du mouvement, de mouvement comme thérapie collective, mais qui transformait y compris l'allure physique des femmes. C'était étonnant. Moi, je n'ai pas été une photographe du réalisme féminisme, comme on entend le réalisme socialiste, quoi. Ça n'avait rien à voir, quoi. Je crois que j'ai aussi bien photographié les cinglés, les idiotes, les intelligentes. Bon, il n'y avait pas de pose, la pose glorieuse de la féministe magnifique, etc. C'était des vrais gens que je photographiais, quoi. Vous l'écrivez d'ailleurs, Catherine Dedon, très bien dans votre livre, celui qui s'appelle « Un mouvement à soi ». C'est un recueil de photographies. Et tout au début, vous décrivez un peu toutes ces femmes. Il y avait celles qui allaient dans toutes les manifestations et de l'hétéro à l'homo. Il y avait les bi, les bisextiles, les coupleuses, les découpleuses, les parleuses, les silencieuses, les râleuses, les journaleuses, les rigoleuses, les glandeuses, les copineuses, les théâtreuses, les guincheuses, les grincheuses, les dragueuses, les rimeuses, les buveuses, les déglingueuses, les répondeuses, les fumeuses. Fumer des femmes, est-ce mauvais pour la santé ? Il y avait les psychépo mao-lacaniennes, les psychanalysantes qui faisaient bien des mystères, les féministes révolutionnaires, casquées, bottées, les réformistes, les indépendantes. Toutes les féministes sont des lesbiennes, se rassuraient les machos. Les lesbiennes ne sont pas des femmes et les hétérosexuels sont des collabos, s'étaient mises à écrire les lesbiennes radicales. Les bisexuelles étaient-elles des femmes à mi-temps ? Les lesbiennes ne se faisaient-elles pas violer, avorter et sous-payer comme toutes les femmes ? Etc, etc, etc. Dans tous vos mots, on a l'impression vraiment qu'il y a une espèce de foisonnement total et que ce foisonnement se retrouve aussi dans vos photographies. Ben, c'était très passionné. Il y avait une énorme passion. Il y avait la non-mixité était quelque chose. Chaque femme qui arrivait s'écriait « Mais il n'y a pas d'homme ici !» Et ça leur fichait la trouille, quoi. On avait du mal à leur expliquer, mais en règle générale, on n'avait pas tellement besoin d'explications, parce qu'elles se rendaient compte que la liberté de parole qu'elles avaient dans ce lieu où il n'y avait que des femmes était beaucoup plus grande que là où il y avait une mixité. Nous, on n'a jamais empêché personne de faire un mouvement mixte. La preuve, d'ailleurs, il y a eu le MLAC, hein. Et puis aussi, on avait quand même une explication qui avait son importance, parce qu'on faisait un mouvement non mixte, mais qui luttait pour la mixité dans la société. Cette mixité dans la société à cette époque-là, elle était quand même pas aussi grande qu'aujourd'hui, hein. Et ça foisonnait dans tous les sens, et c'était très libre, parce que par exemple, quelqu'un disait « moi, je vais faire ça », et on y allait ou on n'y allait pas. J'aimerais bien, Catherine Dedon, que vous me parliez de ce jour où vous êtes partie, apparemment à Troyes, avec des camarades, pour aller soutenir des ouvrières d'une bonneterie. Je sais qu'il y avait Cathy Bernheim, il y avait Annette Lévy-Villard, il y avait Carole Roussopoulos qui faisait de la vidéo, et puis on était avec des garçons, et puis on a rencontré ces femmes, mais avant de pouvoir entrer en contact avec elles, on a eu droit à un barrage assez conséquent de la CGT qui essayait de nous empêcher de leur parler, quoi. Et puis il y a Doudou qui a fait la percée, parce qu'elle était déléguée, et elle a fait la percée. Du coup, elle a rameuté des copines à elle, et on s'est mis dans un coin et on les a interviewées. Et elles nous ont raconté leur grève. Et nous, on leur a pas fait de salade idéologique, même pas féministe. On leur a même pas demandé d'être féministe. On les a laissées parler, dire ce qu'elles avaient à dire. Et puis, on a constaté que sur certaines choses, elles disaient quand même des choses par rapport à leur mari, par rapport à leur fils, par rapport... comme ça. Qui recoupait un peu ce qu'on vivait aussi nous. Et voilà, et puis bon, on est revenu les voir avec le film. Il y a eu un film de Carole Roussopoulos, oui, La Grève de Troyes s'appelle. Et c'est archivé au Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Justement, on est pour que les femmes se mettent à lutter et on considère qu'elles ont toujours été... En février 1971 à Troyes, les ouvrières de l'usine de bonneterie de Bessin et Salson comprennent sans être prévenues qu'elles vont être licenciées. Elles tentent de déjouer le mauvais coup que le patron leur prépare en douce en se mettant en grève pour empêcher la fermeture de l'usine. Ce n'est pas seulement au cinéma que les pépés font la loi, dit François. C'est vraiment important de le montrer à d'autres femmes partout et surtout... Vous êtes venu vous rendre compte ou vous essayez de nous aider ou quoi ou comment? Mais on est aussi vous aider, oui, oui, on est solidaire. Par exemple, on a fait une collecte. Voilà. Nous, on n'est pas J'accuse, on est le mouvement de libération des femmes. Alors, ce n'est pas la peine de dire des choses fausses non plus. Les grèves sont organisées. Sans les organisations syndicales, il serait peut-être difficile de mener une grève aussi longue qu'elle a été menée. C'est tout ce que je peux constater. Les organisations, que nous ayons une partie prenante dans l'affaire. Le tournage a eu lieu une heure après la fin de la grève, dans une petite rue proche de l'usine, avec Doudou et ses trois camarades. Et puis la solidarité entre nous, elle est venue sans qu'on se connaisse vraiment sur le plan familial. On se demande si c'est un rêve ou une réalité. On sait que c'est une réalité, mais ce qu'on vient de passer entre nous toutes, alors qu'on se connaissait si peu. Vous pouvez pas savoir ce que c'est merveilleux, parce qu'on se connaît toutes. Pour l'une ou pour l'autre, il n'y a plus de différence. Mais moi, je suis allée vers des gens comme Monique Wittig, Christiane Rochefort, Christine Delphi, etc. Et Monique nous accueillait chez elle. Elle avait un petit studio et on ne partait plus. On restait dormir sur le plancher, à la dure, etc. On ne se quittait plus. On avait tellement de choses à se dire. Parce qu'avant, on se croyait toute seule, on se croyait des monstres, et puis voilà, qu'on rencontrait des gens et puis qui avaient vécu la même expérience que nous. Donc ça faisait exploser des tas de trucs, quoi. Est-ce que vous vous rappelez de cette ouvrière de Troyes aussi? Je crois qu'elle s'appelle Monique également, qui parlait de la grève dans la bonneterie de Troyes, qui mettait en parallèle les arabes, les noirs, je crois, et les femmes, qui changeaient le mot femme par le mot arabe dans sa démonstration. Ah non, mais c'était pas cette grève-là. C'était Monique Piton et la grève de l'IP. Je vais te raconter un petit peu ce qui se passe chez l'IP à propos des femmes, hein. Mais je vais remplacer à chaque fois le mot « homme » par le mot « blanc » et le mot « femme » par le mot « arabe ». Alors à chaque fois que je dirai « des arabes », ça veut dire « des femmes ». Alors donc, chez l'IP, il y a la moitié de blancs, la moitié d'arabes. Naturellement, les grands chefs sont des blancs. Il n'y a pas de grands chefs arabes. Les grands chefs blancs pensent, réfléchissent et parlent. Nous, les arabes, on pense, moi je sais, puisque je suis un arabe. On réfléchit. Mais les grands chefs blancs, ils ne peuvent pas le savoir qu'on réfléchit, puisqu'on n'a jamais le droit de dire à quoi on a réfléchi. Alors seuls les grands chefs blancs mènent la lutte. Un jour, au collectif, Christiane et moi, on a un peu oublié qu'on était arabes. On nous l'a très vite rappelé. Voilà, il y avait un grand permanent syndical qui vient et qui arrive, qui dit « je voudrais quelques lips pour m'accompagner à la police, ça m'embête d'aller tout seul ». On était déjà très contente parce qu'il n'avait pas dit « quelques gars », comme il dit d'habitude. Alors « quelques lips », Christiane et moi, on a levé le doigt. On a dit « on veut bien aller ». Qu'est-ce qu'on n'avait pas fait là? Comment veux-tu qu'un grand chef blanc accepte d'être soutenu à la police par des arabes? C'est invraisemblable, impensable. Les arabes, c'est de la merde. Alors, évidemment, il nous a même pas regardé. Il n'y a aucun autre grand chef blanc là qui a eu un regard pour nous. Et ils se sont débrouillés entre eux pour trouver assez de monde pour aller à la police. Puis Christiane et moi, on s'est écrasés. On aurait dû se rappeler qu'on est arabe, qu'on n'est rien. Qu'on n'est rien. Les grands chefs blancs nous le rappellent assez souvent. Ça doit être vrai puisque c'est eux qui le disent. Voilà la situation. Personne ne s'intéressait à nous. Au début. Donc, personne ne vient nous filmer, nous enregistrer, on peut faire ce qu'on veut, les pieds au mur, il n'y a pas d'article dans les journaux. Ça, c'est un aspect. Il faut bien à un moment qu'on écrive ce qu'on veut faire savoir. Le deuxième aspect, il est parallèle. Il est lié à ce que je vous disais sur les groupes d'extrême gauche et en particulier VLR, où je participais. Vive la Révolution. Donc, c'est lié aussi à une expérience. Dans le cadre de Vive la Révolution, nous avons fait un journal qui s'appelait Tout, ce que nous voulons, tout. Pas prétentieux. Et dans le cadre de ce journal qui était plutôt fait avec les plus agréables des camarades, avec les moins sectaires, les moins dogmatiques, néanmoins, la question des femmes a explosé dans ce journal. Vous pourrez retrouver des traces, c'est des débats qui sont devenus presque violents, puisque les femmes ont eu la curieuse idée de vouloir s'y exprimer sur le vécu, sur la sexualité. C'est très difficile à avaler pour certains des camarades les plus dogmatiques. Ils avaient honte qu'on ait distribué à la sortie de l'usine un numéro où on parle de sexualité. C'est une drôle d'idée d'ailleurs, parce qu'ils auraient pu imaginer que les ouvriers de l'usine avaient aussi une sexualité, que ça pouvait les intéresser. Mais dans ce cadre-là, dans le cadre de cette bagarre incessante et drôle d'ailleurs avec nos camarades du journal Tout, l'idée d'avoir un journal à nous était quand même lumineuse. Pas d'hiérarchie. Chacune écrit ce qui l'intéresse, on met en page nous-mêmes, on travaille sur les illustrations, on sollicite tout le monde. On revient au feu d'artifice, hein. Ça part dans tous les sens et il n'y a pas ce carcan dans lequel finalement on se sentait enfermé, en n'oubliant jamais que de toute façon personne ne s'intéressait à nous, donc il fallait apparaître. On répondait à toutes les lettres qu'on nous envoyait dès qu'on a fait le premier numéro du Torchon Brûle. On fait un Torchon Brûle dans lequel on explique vraiment comment on fonctionne, qui on est, et on reçoit des lettres. Madame la directrice, comment est-ce qu'on s'abonne ou comment est-ce qu'on adhère, quand c'était pas monsieur le directeur. Donc, c'était très très difficile de faire passer cette idée. Elle est peut-être d'une utopie naïve, hein, l'idée de fonctionner sans hiérarchie, mais au moins pour le moment de l'émergence, ça a été un cadeau royal pour chacune d'entre nous. Demandez le journal du mouvement de libération des femmes. Le torchon numéro 0 arrive à la fin de l'année 70. Il avait été commencé bien avant. Alors attendez, je l'ai là. C'est un peu un condensé de ce qu'il y a après dans Le Torchon Brûle et dans d'autres publications du mouvement. C'est-à-dire ce mélange qui était absolument explosif. On a pris l'habitude depuis d'expériences vécues, personnelles, de textes théoriques politiques, de dessins, de poèmes. Il y a le texte absolument pionnier de Pat Menardi sur la politique du travail ménager, qui est l'expérience, alors elle le dit, c'est sur 10 ans, de guerre interne au couple sur comment faire partager vraiment, et pas seulement en parole et pas de façon hypocrite, l'ensemble des tâches ménagères à son Jules. Et c'est un texte qui sort quasi en même temps que le texte tout à fait pionnier de Christine Delphi, qui s'appelait L'ennemi principal et qui était publié dans Partisan quasi en même temps, quelques semaines avant. Vous pouvez nous résumer un peu cet article ? Écoutez, c'est très simple, c'est même un peu simpliste, mais à l'époque, ça a été une bombe. Ça a été le travail ménager, un, n'est pas reconnu comme un travail. Deux, donc, n'est sanctionné par aucune forme de rétribution. 3. Définit une forme d'exploitation tout à fait particulière qui est l'exploitation des femmes dans un système économique qui n'est pas le capitalisme, qui est le patriarcat. Donc, c'est à travers la critique de l'extorsion de cette forme particulière de travail et du système patriarcal qui va avec, donc de l'ensemble de la domination masculine, que les femmes pourront se libérer, et pas du tout en espérant que leur libération viendra en pochette cadeau le jour où la lutte des classes aura gagné. On a fait beaucoup d'articles collectivement. On revoyait toujours tous les articles. Et on avait une manie qui était de ne pas signer. Ça devenait une manie, le collectif. Avec un vrai danger, c'est que si on est timide ou si on a peur de se mouiller un peu, on s'abrite derrière le collectif. Il y a une seule personne qui a lutté contre ça, c'est Christiane Rochefort. Elle avait raison, il faut aussi qu'on puisse voir l'évolution d'une pensée et d'une pensée individuelle. Donc elle s'est battue contre ça. Mais néanmoins, pendant plusieurs numéros, on a fait ça collectivement. Alors comment s'est passée, Marie-Jo Bonnet, la rencontre avec les filles qui avaient participé au Torchon Brûlé numéro 0 ou les premières filles que vous avez rencontrées qui faisaient partie du MLF? Ah, ça a été pour moi un événement absolument comme une initiation terrible. Parce que donc j'avais vu dans le Torchon Brûle qu'il y avait des assemblées générales aux Beaux-Arts. Et donc, on était en février 71, et je décide un mercredi soir d'aller aux Beaux-Arts. Et moi, j'habitais en banlieue à Villejuif, et donc je circulais en Solex. Et je monte sur mon petit Solex, et au moment où j'arrive aux Beaux-Arts, il y avait une petite affiche sur les grilles qui disait qu'elles étaient à l'Institut catholique. Tout à côté, pour boycotter la conférence du professeur Lejeune. Avortement libre, pour ou contre, des médecins parlent. Voici à ce propos le point de vue du professeur Lejeune. Des médecins s'accusent. Ils aspirent à être des avorteurs en blanc. Mais il ne faut pas s'y tromper. Le sang du fœtus est rouge, comme celui de sa mère, comme celui de tous les hommes. Le sang qui bat à partir de la deuxième semaine de retard de règles, il anime le même individu que celui qui deviendra un enfant, un adulte. Je suis arrivée à la fin de la conférence quand les filles ont été mises à la porte par le service d'ordre parce que il y en avait une d'entre elles qui avait jeté du mou de veau sur la table du professeur Lejeune parce que il disait comme argument contre l'avortement, il disait imaginez que votre ventre soit une voiture et vous êtes responsable des personnes que vous transportez dans votre voiture. Et alors il y a Anna qui s'est levée qui dit mais mon ventre c'est pas une voiture et qui a lancé le mou de veau. Alors ça a été incroyable et donc tout le monde debout, grand barouf, et puis elles ont été jetées dehors. Et elles ont collé des autocollants sur les statues. Moi, j'étais, mais je me disais, mais comment est-ce qu'elles peuvent oser faire ça? Je n'en revenais pas de l'audace incroyable. C'était comme si elles avaient profané Dieu. Enfin, vous voyez un peu, oui, c'était une profanation. Et on s'est retrouvés dans la rue à chanter l'hymne des femmes. Vous pouvez me chanter peut-être un peu ? Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, le vent, nous femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout. Debout. Debout. Voilà. Et alors, c'est « Lève-toi et marche », en fait. C'est très beau, cet hymne. Mais c'est magnifique. Qui l'a écrit ? Eh bien, il a été écrit par Monique Wittig, par un petit groupe de femmes. Il y avait Antoinette, il y avait donc Monique Wittig et d'autres femmes qui l'ont repris sur le Chant des Marais. Et vous voyez la relation qui existait entre donc la libération de la France et la libération des femmes. Et je pense que c'est ce qui a dû faire tilt en moi. Parce que la libération, évidemment, je ne l'ai pas vécue, mais c'est quelque chose qui, comment dire, dans l'inconscient des Français, est quelque chose de très fort. C'est lié à une émotion. C'est la libération quand même de la dictature nazie. Hein. Donc, c'est très, très fort. Et libération des femmes, donc c'est, vous voyez, c'est l'écho que ça a pu faire. Pour en venir au torchon numéro 0, et à ceux qui suivent, qui sont les auteurs de ce torchon ? Christiane Rochefort a joué un rôle très très important dedans. Et dans le tout premier numéro, donc début 71, Christiane fait une série de textes, donc c'est peut-être quand même dans le deuxième, qui s'appelle « Mécanisme de dégénérescence ». Voyez un peu. Les gens ne savaient même pas encore que le mouvement existait. Et cette Péronnelle était là à dire « Oh là là, ça va plus du tout ». Alors, elle fait un premier texte qui s'appelle « Le MLF contre le mouvement de libération des femmes », où elle montre comment... personne ne l'avait appelé MLF, c'est les journalistes qui l'appellent comme ça. Pour faire comme Women's Lib, fallait lui donner un nom. On n'était pas très contente. Donc, vous auriez voulu l'appeler comment, ce mouvement ? Pourquoi fallait-il l'appeler ? Pourquoi aurait-il fallu lui donner un sigle comme la LCR, le PCF, etc. Ce qui... Écoutez, regardez ce texte, il est formidable. Vous voulez que je vous lis ? Le processus se déroule comme suit. Toutes les femmes subissent une oppression spécifique. Certaines, par suite du type d'expérience vécue, ressentent cette oppression à des niveaux variés de conscience. Un certain seuil quantitatif atteint, ces femmes se mettent à bouger, convergent les unes vers les autres, elles se... guillemets, mettent en mouvement. De leur rencontre naît une conscience collective, de point un groupe d'opprimés, une idéologie qui débouche sur une volonté d'agir et sur des actions. À ce moment, il est porté par les conditions objectives, tout va bien, les femmes se ressentent comme des femmes, entre guillemets, après c'est devenu une marque commerciale. Les tentatives de se nommer sont repoussées avec une force tranquille, la force de la nature, etc. On est à un premier palier. Les paliers sont des endroits dangereux, on peut s'y endormir, la tension peut se relâcher. Là, il se fait un glissement insidieux de être des femmes en mouvement, en marche, pour se libérer, à être dans le mouvement de libération des femmes. Glissement sémantique sur le « dans », où le mouvement devient un contenant, un en dehors, une entité. Lui, le mouvement. On peut voir le mouvement signifie maintenant un être fixe. Il est au bout de la majuscule. Attention, il va la prendre, il suffit d'un moment d'oubli. MLF, ça y est, il l'a prise. C'est comme ça que ça s'est passé. J'aime les filles, MLF, toutes les filles, je vous le dis. Il n'y a plus de belles, de grosses, de laides. J'aime les filles, et je suis une fille. J'aime les homos, les hétéros, les hystéros, les paranos, les divorcés, les solitaires. J'aime les mères célibataires. On a fait des groupes, et puis les groupes, à chaque numéro, les groupes changeaient, mais il y avait une prise en charge d'un numéro. Alors c'était fait quand on en avait envie et quand on pouvait, voilà, parce que la prise en charge se faisait pas régulièrement. Hein. Ça sortait de très irrégulièrement. La révolte féminine, ça commence dans un garçon manqué, ça commence dans une salle Gouine aussi. Là, je pense que c'est moi qui... Oui, c'est moi qui écris ça. Voilà. Je n'ai pas voulu de nœud rose dans mes cheveux. Étais-je un garçon manqué, une sale gouine, une petite fille déjà révoltée? Je n'ai pas voulu me séparer des jeux de mes frères et jouer seule à la poupée. Étais-je un garçon manqué, une sale gouine, une petite fille déjà révoltée? J'ai préféré les pantalons aux jupes qui entravent. Étais-je un garçon manqué, une sale gouine, une petite fille déjà révoltée? Je n'aimais pas que les mecs rois des trottoirs, des bars et des cinémas me sifflent, me pincent les fesses et me baratinent avec mépris. Étais-je un garçon manqué, une sale gouine, une adolescente déjà révoltée? Il y a aussi le texte de Monique Wittig sur les groupes de conscience qui n'ont jamais très bien marché en France, qu'elle avait essayé de monter à partir de l'expérience des féministes américaines, qui étaient inutiles d'une certaine façon. L'idée, c'était de mettre 7 ou 8 femmes ensemble, elle l'explique très bien là d'ailleurs, à raconter leurs expériences. Le résultat, évidemment, c'était à chaque fois oh, « moi aussi ». C'était la prise de conscience du fait que si on s'était pris des claques, c'est pas parce qu'on était vilaine, méchante, bête et qu'on le méritait, mais parce qu'ils étaient tous contre nous. Et que ça arrivait à chacune, c'était arrivé à chacune d'entre nous. Alors ça n'a pas marché, d'abord parce que dans énormément de groupes de conscience, il s'en est toujours trouvé une qui l'avait investi un peu plus fort que d'autres et qu'on était obligé de calmer un peu. Mais aussi parce que la prise de conscience, elle s'est pas faite dans des groupes d'échange de paroles de 6 ou 7, elle s'est faite à un niveau absolument collectif. C'est-à-dire que le « moi aussi », bon, ça c'est mon analyse du mouvement. Si vous voulez, le coup des slogans, des mots d'esprit, qui fonctionnaient, à mon avis, exactement comme les mots d'esprit vus par Freud. C'est-à-dire une espèce de condensé, d'affirmation condensée, qui est à la fois l'explicitation et la protestation contre une situation. Mais sauf que c'est dit en quelques mots. Un homme sur deux est une femme. Tout le monde comprenait. Une gerbe à la femme inconnue du soldat, tout le monde comprend. La prise de conscience politique se faisait via l'inconscient. Et via écoutez, regardez ce slogan formidable, c'était les Belges qui l'avaient fait. Prolétaires de tous les pays, point d'interrogation, qui lave vos chaussettes? C'était dit en 2 lignes ce que l'ennemi principal de Christine développait en 20 pages. Et ça passait. Écoutez, il y a eu de grandes stratèges dans ce mouvement. Moi, je me souviens de Monique Wittig, par exemple, à qui on disait « Vous êtes vraiment beaucoup trop radicale, c'est quoi ? C'est très excessif. » Et qui disait mais c'est comme ça un mouvement. Il faut qu'il y ait un pôle de radicalité qui permette à toutes les autres femmes de dire « Oh, je ne suis pas comme elle, mais tout de même. » Ratisse-moi, corrode-moi, démantèle-moi, désintègre-moi, massacre-moi, écrabouille-moi. Mais c'est qu'il le ferait, la brute. Et il y avait aussi un local, rue des Canettes, et là, il y avait la liste des réunions. Et j'ai vu qu'il y avait une réunion qui avait lieu le dimanche après-midi au Kremlin-Bicêtre, près de chez moi, sur le thème « Les polymorphes perverses ». Et il s'agissait d'étudier la sexualité à travers Freud, Mark Hughes et tous ces gens-là. J'ai dit « Ah bon, ben, je vais aller là ». Et c'est là que il y avait dans ce groupe, il y avait Margaret, qui était une Américaine, donc qui avait déjà lu Mark Hughes et tout ça. Et il y avait aussi Anne-Marie Grélois, qui a été la fondatrice du Front homosexuel d'action révolutionnaire. Donc je me suis retrouvée complètement en plein cœur donc de cette histoire en train de se faire. Vous pouvez me raconter l'histoire des relations des lesbiennes avec le Front homosexuel d'action révolutionnaire, justement le FAR? Oui, oui, bien c'est nous qui l'avons fondé. Hein. C'est Anne-Marie avec Françoise Daubonne aussi. Donc Anne-Marie avait fait une réunion à Arcadie, c'était un club homophile où les femmes n'avaient pratiquement aucune place. Et à la grande stupéfaction, il y avait 50 filles qui sont venues. Donc elle poussait à la roue, elle trouvait que le MLF était timoré sur la question de l'homosexualité. Alors on a décidé, puis il y avait des copains qui étaient là, à elle, qui dit « mais on veut venir avec vous, on veut venir avec vous ». Et alors, on a fait quelques réunions comme ça, dans un restaurant, je me souviens, on avait l'impression d'être comme si on était des comploteurs. Donc il fait, vous savez, l'homosexualité à cette époque-là, c'était gratiné, hein, on était dans la clandestinité, hein. Et alors, il y avait cette atmosphère-là. Il y a d'abord eu Ménie Grégoire. C'était quoi, Ménie Grégoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Ménie, allô, Ménie, vous savez, c'était l'émission de RTL. Il y avait toujours les femmes. Allô, Ménie, alors, qu'est-ce que vous pensez? Donc, toutes les après-midi, elle avait énormément de succès. Et alors un jour, courageusement, elle a décidé de faire une émission qui s'appelle « L'homosexualité, ce douloureux problème ». Et alors, évidemment, on était donc, je sais pas moi, fin février 71, vous imaginez l'homosexualité, ce douloureux problème. Et alors, donc, évidemment, sur l'estrade, elle avait convoqué un prêtre, un psychiatre, le psychologue. Vous voyez, c'était un peu ce genre-là. Donc, ça a commencé avec la chanson de Barbara. C'était l'indicatif. Et alors, à un moment donné, je sais pas, elle dit ce douloureux problème. Et puis, y a, dans la salle, il y a une fille. On ne souffre pas. Liberté. Et alors, donc, et puis alors, tout le monde s'est levé, a envahi la salle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ménie, elle était complètement dépassée par les événements. Et les filles avaient préparé une chanson. Il y avait Christine Delphi et tout ça. Et alors, donc, elles ont chanté la chanson. C'est la fête à Ménie. Ménie s'est faite belle. Ménie s'est faite homosexuelle. Et là, on peut dire que ça a été le début parce que ça a été vraiment la première manifestation publique. Et après, il y a eu la mutualité, toujours l'avortement. Donc, on était en plein combat pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Et donc, à nouveau, le jeune qui fait donc une conférence à la mutualité et on a décidé d'aller la boycotter. Et c'est là que les garçons sont venus, les garçons homos. Et alors, donc, on avait fait le commando saucisson avec Françoise Daubonne parce que Françoise avait vu que la seule arme blanche qui n'était pas passible d'une poursuite, c'était le saucisson. Et le saucisson étant une excellente matraque, il avait l'avantage de surcroît de pouvoir être mangé à l'issue de la manifestation. Si bien que, donc, on est allé avec nos saucissons et Françoise en tête. Vraiment, c'était incroyable. Mais c'était quand même très violent, hein, parce qu'il y avait les CRS qui étaient dans le fond de la salle et tout le service d'ordre d'extrême droite qui prenait les femmes et les garçons les uns après les autres et qui les jetait au pied des CRS. Donc, au niveau émotion, enfin, moi, je me souviens, c'était très, très violent, hein, les bagarres. Hein. Quand je sors, sur tous les murs, c'est encore notre cul qu'on colle en l'air. Marre, c'est partout la même chose. Paroles, actions de mecs qui me restent à travers la gorge. Et maman, méfiance, me répète-t-elle. Méfiance, j'en ai marre de raser les murs en marchant. C'est vrai que j'ai peur. Et ma passivité, je ne la supporte plus. Dans quel état de guerre vivons-nous? Pour frôler les murs, baisser la tête, subir à longueur de vie la peur de rentrer, de sortir, de marcher, de flâner. Dans quel état de guerre vivons-nous? Pour nous barricader à tout âge, derrière trois verrous et un Judas. Dans quel état de guerre vivons-nous? Pour voir derrière tout homme un violeur en puissance. La guerre existe et nous ne l'avons pas déclarée. À nous maintenant de nous défendre et d'y répondre. Pour accoucher sans la souffrance, ils ont baisé dans la violence, pour le contrôle des naissances, en contrôlant nos jouissances, qu'il a fallu des millénaires, pendant des temps des millénaires. Pourquoi mon interrogation? Vous vous souvenez des grands événements qui sont parfois relayés aussi par le torchon, du type justement les violences contre les femmes à la mutualité? Oui, j'ai préparé la mutu. Ce n'était pas les violences contre les femmes, c'était les journées d'initiation des crimes contre les femmes. Alors moi, j'étais dans le groupe qui préparait, autour de Simone de Beauvoir, la séquence avortement. Et c'était un énorme travail, c'était extrêmement préparé. On choisissait les témoins, on faisait répéter, on essayait de prendre ce qui était le plus parlant dans chaque témoignage. Ça a été des mois et des mois de préparation. Avortement contraception, libre et magique. Avortement contraception. Avant les rencontres de la mutualité, il y avait eu la manifestation du 25 novembre 1971 pour l'avortement libre et gratuit. Essaye de lire ce que c'est, hein? Ce qu'ils disent. Qu'est-ce que c'est? Pour l'avortement libre et gratuit et une information contre pour la contraception. Ils ont qu'à pas baiser. Vous n'avez pas baisé, vous? Si, mais enfin, attention! Toc! Comment? Oh, mon Dieu, je ne vais pas vous l'apprendre, non? Hein? C'est blague. Bon, vous n'avez qu'à pas être si feignante quand c'est fini, hop, se lever. D'accord. C'est pas vrai, ça? Me regardez, hein? Vous n'avez pas fini ça, hein? Et puis, quand aussi on est investi le Conseil de l'Ordre, en fait, on a fait quelques petites actions comme ça de commando qui exigeaient du courage, hein? Même de signer le manifeste de 343, ça exigeait du courage, hein? Parce qu'on n'était pas sûr, hein? Enfin, moi, personnellement, je dois dire que je ne l'ai pas signé parce que c'est très idiot. Moi, je n'avais pas avorté. Et d'ailleurs, je n'avais jamais entendu parler de l'avortement. C'est pour vous dire du silence qu'il y avait, hein. Parce que j'ai découvert qu'il y en avait eu. Mais silence total. Et donc, moi, avortement, à vrai dire, je ne savais pas ce que c'était. Donc, j'ai découvert beaucoup d'aspects de la féminité, je dois dire, de la vie des femmes que moi, je rejetais. La condition féminine, ce n'était pas drôle. Et donc, par exemple, moi, je me souviens avoir assisté à un avortement avec la méthode Carman, chez Delphine Seyrig, qui prêtait son appartement. Elle a été très, très importante, Delphine, au début du militantisme, comme ça. Elle a eu un rôle très, très important. Donc, vous voyez, c'était vraiment pas marrant, hein, quand même. Hein. Et donc, y avait tout ça a été mélangé, hein. Et il fallait bien qu'on se marre, mais en même temps aussi, il y avait ces actes-là. On se promenait toutes avec l'adresse des médecins pour les filles, parce qu'il y avait plein de filles qui cherchaient à avorter. Donc, on avait des adresses sur nous. Puis, on organisait des voyages à Londres. Et vous voyez, c'était ça, la vie militante. Bon, bah, je suis un peu plus allez, j'aspire. Ça va? Tu dis si ça te fait très mal, et je te dis quand ça te fait un peu mal, tu respires comme un petit chien. Alors moi, je regarde ce qui vient. Je surveille. Respire comme un petit chien, comme si tu as très mal. L'éclairage est bon. Tu fais mal. Tu veux que j'arrête un peu? Ça fout le camp, là. Oui, tu le sens que ça fout le camp? Oui, j'ai déjà beaucoup de choses dans ma seringue. Attends. Bon, Alors tu vois là, j'ai bien gratté, tu vois, et j'ai vu que ton utérus était complètement vide de tout petit bout de placenta. Alors maintenant, j'enlève doucement ma canule. Tu vois, je vérifie qu'elle n'est pas bouchée. Hein? Elle n'est pas bouchée, tu vois, elle est libre de tout bout de sac qui pourrait la boucher. Donc ça y est, l'opération est terminée. Ça va faire maintenant? Oui, c'est l'odeur. C'est l'odeur, ça sent quoi, le riz au curry? Oui. En 72, donc après les journées de dénonciation des crimes contre les femmes, je reçois un jour un coup de fil d'une des plus jeunes filles du mouvement, qui était Claudine Serre, qui me dit « Écoute, après tout, on a travaillé avec Beauvoir pour l'avortement. Peut-être qu'il pourrait nous donner de la place pour passer un ou deux articles dans les temps modernes. » Les temps modernes, c'était quand même machin incroyablement prestigieux à l'époque. Donc, on va voir Beauvoir à... beaucoup, 6 ou 7. Les pieds en dedans, complètement intimidés, même si on l'avait vu pour les journées de la Mutu, en lui demandant si sa digne revue accepterait de passer quelques textes sur la condition féminine. On n'a jamais dit nos conditions féminines. On savait déjà que c'était le vocable pourri. Sur le féminisme, le mouvement des femmes. Donc elle nous a gardé 2 heures. Au bout de 2 heures, on est sortis un peu chamboulé. On n'avait pas négocié, on nous avait proposé un numéro spécial des temps modernes, plus une chronique régulière pour dénoncer toutes les ignominies qu'on voyait passer à propos des femmes. Ça, c'était Beauvoir. Cette ouverture incroyable. Elle aimait bien le mouvement. Et donc, ça a été un été incroyable où on découpait des journaux. On s'est retrouvés en septembre. On avait chacune ça de journaux avec ça de propos absolument crades, machistes, misogynes. Mais on ne pensait même pas qu'il y en avait tant. Donc on essaie de mettre tout ça ensemble. On fait une première rubrique qui sort en décembre 73. Donc, voilà, on fait ça. On le corrige un peu. Je pense qu'elle nous a rendu notre copie sur les 2 premières chroniques. Après, elle n'y a plus touché. Même si on attaquait, on ne savait pas. On s'attaquait à tout le monde, y compris à des amis proches de Sartre ou de Beauvoir, qui téléphonaient en râlant. Elle était obligée de leur payer à déjeuner. On l'a su très très tard, ça. Elle passait son temps à dire oui. Là, elles ont été un peu fortes, mais quand même, elles n'ont pas tout à fait tort. Je vous propose, Madame le Ministre, un autre fieffé miso. Un autre fieffé miso, Louis Ferraud, de la haute couture. Ah, ça, c'est inattendu. Vous allez le voir. Je croyais qu'il était le seul, au contraire, si j'ose dire. Vous savez, est-ce que c'est difficile de travailler constamment avec des femmes? Je crois que oui. Ce qui explique que dans mon métier, il n'y a pas tellement de gars qui aiment les femmes. En dehors de moi. Elles sont soigneuses quand il ne faut pas être soignées, débraillées quand il faudrait être très habillées, tendres quand il leur faudrait être dures et dures quand il leur faudrait être malignes. Je suis l'homme qui veut milieu des femmes et ce que je leur reproche, c'est finalement de ne pas les comprendre. Je comprends rien. C'est pas du tout un langage de misogyne, ça. Ah non? Ah non, c'est un langage d'homme qui aime les femmes. Ah bon? Ah oui. Mais il a l'air un petit peu de les mépriser, tout de même, non? Ah non, pas du tout. Il est fasciné, visiblement. Et c'est sa publicité, Louis Ferraud adore les femmes. Vous trouvez que c'est une publicité qui n'est pas mensongère, ça? Je suis persuadée, je trouve que c'est un langage d'homme qui aime les femmes. Je trouve que c'est un langage d'homme qui aime les femmes. Bon, alors donc là, tout va bien. Je trouve que c'est un langage d'homme qui aime les femmes. Bon, alors donc là, tout va bien. Je trouve que c'est un langage d'homme qui aime les femmes. Mazo et Miso vont en bateau, 1975. Tout va très bien, tout va très bien, tout va très bien, Madame le Ministre, tout va très bien, tout va très bien. Marie-Jo Bonnet, j'ai une question à vous poser en venant un peu en arrière. J'ai oublié de vous demander tout simplement si vous avez participé à la rédaction du Torchon Brûle. Oui. Racontez-moi. J'étais au numéro 5. Alors, le fameux numéro 5, qui a été le numéro où les féministes et Psyché-Po, et des femmes de Psyché-Po sont venues on a fait équipe commune pour faire ce numéro 5. Et ça, donc c'était, je crois, en 73, hein, si mes souvenirs sont bons. On peut retourner la page ? Oui. Alors okay. ça, c'est Psychépo, psychanalyse et politique, qui avait fait un texte théorique sur l'avortement, contraception, sexualité. Alors là, ça se voit, hein, la mise en page est différente, hein, et beaucoup plus... Classique ? Oui. Alors, donc ici, c'est Choisir, c'est un texte de l'association Choisir. Là, le Vietnam, donc il y avait des manifs. Ah oui, on est dit, il y avait toujours la guerre au Vietnam, donc il y avait eu des manifs. Toujours, on s'intéressait à tout. Hein. C'est ça qui est. D'ailleurs, le féminisme continue à s'intéresser à tout. Tous les pays, hein. Je veux dire, il n'y a pas de frontières là, à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a d'intéressant. Alors ça, c'est nous, les féministes révolutionnaires. Parce que, alors, Antoinette, parce qu'il y avait des bagarres terribles. Hein. Monique Wittig portait un chapeau et des bottes. C'était la mode. Ah, c'est elle-là qu'on voit dessiner. Voilà. Alors, Antoinette avait décidé que les révolutionnaires, les féministes révolutionnaires, elles étaient d'abord masculines et elles portaient des chapeaux et des bottes. Elles étaient casquées et bottées, c'est celle-là. Voilà, d'accord. C'est ça. Eliane Candel, quand est-ce que cette entente entre les diverses tendances a commencé vraiment à devenir plus que problématique et que les ruptures ont commencé à apparaître ? C'est aussi toute l'histoire du torchon brûle. Les ruptures, ça a été très long. Les divergences, tout de suite. Tout de suite, dès le début. Les ruptures arrivent peu à peu. Vraiment peu à peu. Elles ne sont pas portées par tout le monde, en particulier les féministes de province trouvaient que précisément les divergences et les querelles entre Psychépo et les féministes révolutionnaires, c'était des histoires de parisiennes. Il a fallu le dépôt du sigle, et ça c'est très tard, c'est fin 79, par Psychanalyse et Politique, pour que là tout à coup il y ait un sursaut de « c'est pas vrai ». Un mouvement, ça n'est pas une association 1901 et ça n'est surtout pas une marque commerciale. Et là, ça a été fini, terminé. Le MLF, le sigle MLF, a été déposé en marque commerciale et en association loi 1901 par le groupe Psychanalyse et Politique, dont le leader est Antoinette Fouque. Ça a été un gros coup de bambou. Quelque part, ça a mis fin à notre anarchie, à notre... Là, on rêvait, hein, on rêvait un peu trop que ça se passerait pas avec les femmes, et puis ça s'est passé avec les femmes, et puis c'est nouveau. Donc là, ça nous a remis les pieds sur terre, et donc on ne peut plus militer de la même manière, c'est beaucoup moins joyeux, on est plus dans des groupes beaucoup plus sérieux, jusqu'à l'ennui, quoi. Il faut bien le dire, c'est même parfois ennuyeux, quoi, de militer. Alors qu'à cette époque-là, c'était pas ennuyeux, du tout, du tout. Il n'y avait aucun ennui, hein, aucun temps mort, aucun ennui. C'était même crevant. Aussi longtemps qu'on a eu à se battre pour le minimum, le droit de disposer de notre corps, l'avortement, la contraception, disons, dans les toutes premières années du mouvement, nous avons été, dans les tout premiers mois, traités d'hystériques, de folles, de mal baisées, de tout ce que vous voulez. Tout le monde l'a entendu. Et du jour au lendemain, presque, on nous a dit, vous aviez raison. Mais maintenant que vous avez gagné, ça suffit. C'est-à-dire, au fond, dans le temps présent, on n'avait jamais raison. Au temps de la lutte, tout le monde était méprisant. Et tout d'un coup, on s'est aperçu que tout de même, oui, c'est vrai, il fallait bien que les choses changent. Mais puisque c'était fait, que tout le monde en avait pris conscience, maintenant taisez-vous. Et donc on voulait surtout pas qu'on dise que c'était une lutte qui n'en finirait pas. Il fallait que ce soit terminé. Parce que sinon on allait aller aussi vers des domaines qui sont plus difficiles à accepter pour la société. Je crois que les deux pôles de résistance, c'était la politique et la sphère ménagère et l'intime. Et peut-être pour qu'on n'aille pas trop vers là, on nous a dit maintenant ça va, ça suffit. Est-ce qu'on est en deuil de ce mouvement de libération des femmes quand on en a fait partie, Myriam Candel? Non. Non, parce que il ne pouvait en aucun cas continuer de la même manière. À partir de 81, il s'est passé deux choses. D'une part, d'abord, on nous a consenti, bon, 75, la loi Veil, 80, les lois Roddy sur l'égalité professionnelle, je ne suis pas sûre de la date. Le viol avait été recriminalisé quelque temps avant. On commençait à obtenir des choses. On commençait à obtenir des moyens de travailler, par exemple, dans les recherches féministes. Il se crée le Centre Simone de Beauvoir, avec des moyens pour faire des films, pour diffuser des films. Donc, ça, la première raison, c'est qu'il fallait entrer dans le réformisme et dans la négociation avec les institutions et accepter un minimum d'institutionnalisation. Deuxième chose, Le Pen arrive. Il nous tombe un discours d'extrême droite, dur, musclé. Je crois qu'on a été un peu au dépourvu. De toute façon, 10 ans, ça suffisait. Mais je pense qu'à partir de là, il y a eu vraiment une espèce de flottement, y compris pour les féministes, qui était que on n'avait plus à se lutter uniquement contre le patriarcat un peu moderniste de Giscard, disons, de Pompidou. Alors, je pense qu'il a fallu changer de stratégie, de mode d'intervention, que la dérision n'était plus suffisante, et mettre en place des institutions de survie et de sauvegarde. Voilà. Je pense aujourd'hui que le mouvement des femmes, parmi ses apports intéressants, a aussi profondément bouleversé la conception du travail social dans notre pays. Je pense que le fait de dénoncer le fait que toutes les femmes soient considérées comme des mineures a aidé à passer de l'assistanat à une prise en charge qui responsabilisait davantage les personnes qu'on prenait en charge dans le travail social. J'ai 17 ans et demi. Je suis une mère célibataire. Je suis dans un foyer maternel. Je suis au Plessis Robinson. Disons le foyer, ce que les gens appellent le foyer pilote. Quand je donne un exemple d'une fille ici au foyer qui s'est mis une aiguille à tricoter, qui est à l'hôpital en ce moment, et qui est entre la vie et la mort. Tout ça parce qu'on lui a refusé la contraception. Il y a même des filles qui essayent de se suicider. Là. Le Plessis Robinson, c'est une maison fantomatique. Un endroit absolument hallucinant. Un architecte fou, très certainement, dans un grand jardin. C'est un bâtiment, je vous dis, on a l'impression qu'il sort du brouillard, dans lequel étaient enfermées, et je pèse mes mots, un certain nombre de jeunes femmes enfermées simplement parce qu'elles avaient eu un enfant trop tôt, c'est-à-dire que toutes les jeunes mères célibataires, je crois qu'on les appelait déjà des mères célibataires, il faut bien voir les mots. On est passé des filles mères et des bâtards aux mères célibataires, et on est maintenant, je crois, aux foyers monoparentaux, parce que ça fait un peu plus chic. À l'époque, elles vivaient avec un règlement intérieur qui les empêchait de sortir. Il y avait des hôtels maternels et des maisons maternelles, selon qu'elles avaient déjà accouché ou qu'elles allaient accoucher. On a été appelé par une éducatrice du Plessis Robinson parce que les jeunes filles s'étaient mises en grève, pratiquement, contre le règlement et contre le sort qu'elles subissaient. Et pendant un bref laps de temps, avant que la presse n'arrive, parce qu'on l'a convoquée, à grand renfort là de d'aide de personnes connues du type Simone de Beauvoir ou Delphine Seyrig. On a fait venir la presse, mais avant qu'on nous interdise l'accès aux chambres, moi je suis montée dans les chambres. C'était des gamines, il y avait des ours en peluche et des poupées dans toutes les chambres. C'était des bébés, ces gamines. Et elles étaient soumises à un règlement qui était fait pour des délinquantes. Donc, maintenant, il y a quand même un problème, Anne-Sophie. Hein, c'est que ça va bien de raconter l'histoire. Mais qu'est-ce qui fait que j'ai hésité à vous répondre? C'est important aussi. Moi, j'ai hésité à vous répondre parce que raconter tout ça pendant plusieurs années, c'était facile. C'était très gai. Alors après, on en a marre aussi. Bon. C'était facile, c'était gai, parce qu'on avait l'impression d'avoir obtenu des victoires flamboyantes. On avait effectivement pas tout gagné. Les luttes étaient à poursuivre pour toujours. Et puis, il y avait une dimension internationale et on savait très bien que de ce côté-là, on avait encore à se mobiliser pour longtemps. Mais dans ces années où c'était facile de raconter, on n'avait pas prévu ce qui arrive maintenant dans ce pays. On n'avait pas imaginé l'augmentation des mariages forcés. On n'avait pas imaginé que 30 ans plus tard, les violences intrafamiliales seraient aussi dramatiques. Et tout ça, ça fait que ça devient moins joyeux à raconter, puisque on a en même temps envie de comprendre qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'est-ce qu'on n'a pas analysé, qui n'a pas fait quoi, mais comment on a pu en arriver là. C'est notre histoire, c'est qu'est-ce qui s'est passé au-delà de ce qu'on a conquis pour que la situation soit si tragique aujourd'hui pour nombre de jeunes filles soumise à un ordre moral bien pire que celui qu'on subissait et contre lequel on s'est révolté. Je vous dirais un truc paradoxal. Ou bien le moment historique de notre féminisme à nous, des pays occidentaux, est passé. C'est pas ou bien, peut-être. Et en même temps, le féminisme aujourd'hui est probablement l'un des enjeux cruciaux de l'état de la planète. On ne peut pas indéfiniment... Je ne comprends pas qu'on puisse être féministe et soutenir le voile. Ou dire que le voile en France n'est pas la même chose que le voile en Algérie où on se fait égorger quand on ne le porte pas. Mais je pense que autour de la question des femmes se joue tout le problème de modernisation, d'entrer dans la modernité et dans la démocratie de la plupart des pays du Sud, et pas seulement des pays musulmans, beaucoup des pays musulmans, mais aussi des autres pays du Sud, et que si on ne prend pas conscience de ça, si on ne comprend pas que le féminisme est essentiel pour l'avenir de la planète, mais peut-être pas à Paris-Centre, qu'il n'a plus de sens à Paris-Centre que s'il prend en compte ce qui se passe à Riyad, ce qui se passe à Addis Abeba et ailleurs, à ce moment-là, peut-être effectivement que notre féminisme à nous a fait le boulot, on a gagné des choses, il en reste d'autres, mais tout le monde s'en occupe. Les syndicats qui nous crachaient dessus, aujourd'hui, ne bougeront plus sans prendre en compte la question des femmes. Mais que si on ne tient pas compte de ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe chez les femmes qui ne sont pas dans la modernité, qui ne sont pas dans la contraception, qui ne sont évidemment pas dans le mariage monogame, et qui sont forcées tous les jours de faire 15 km pour aller chercher de l'eau, qui se font répudier à tour de bras, et que si on ne s'occupe pas de ça, le voile est la partie émergée de l'iceberg, c'est pas, si c'était que le voile, ça irait. À ce moment-là, il y a une partie du féminisme qui a atteint son but, mais continuons, il y a 50 campagnes à mener, et déjà contre les violences, mais on perd l'essentiel des enjeux du féminisme aujourd'hui. Voilà. « Je suis une fanfreluche, un petit chien en peluche. Je suis une fleur en pot, je suis un bibelot. Je suis un bilboquet, rien qu'un petit jouet. Je suis la femme. Je ne pense pas avec ma tête qui sert à la décoration. Je n'ai pas d'âme, je suis comme une bête. D'abord j'ai les cheveux trop longs, mes ongles c'est pas pour griffer, c'est pour y mettre du vernis. L'oreille c'est pas pour écouter, pour les connaisseurs c'est un fruit. C'était Le Torchon Brûle, quatre récits du mouvement de libération des femmes, avec Liliane Candel, Catherine Dedon, Marie-Jo Bonnet et Nadia Ringard. Un grand merci à Françoise Pic, dont le livre Les années mouvement m'a permis, comme à tant d'autres, de connaître ce qu'a été véritablement l'histoire du MLF. Merci à Hélène Rouge pour son témoignage. Merci aussi à Carole Roussopoulos, dont les bandes-son des films nous ont aidés à illustrer cette émission, en particulier Yakapa Baiser, Miso et Mazo et Debout. Et enfin, merci à Nicole Fernandez et Laetitia Puertas du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir pour leur chaleureuse disponibilité. Mixage Marie-Dominique Bougot. Une émission d'Anne-Sophie Vergne réalisée par Gaëlle Gillon. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 janvier 2007. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.